Vous êtes à l'émission Chérie, m'écoutes-tu? Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Bonsoir et bienvenue à cette première émission de l'édition 2009-2010 de Chérie, m'écoutes-tu? Et je dois avouer qu'après cette absence de 4 semaines, j'ai des petits papillons. Et oui, des petits papillons. Je suis très, très, très heureuse de reprendre le micro pour, comme je le mentionnais, pour l'année, pour la nouvelle année scolaire de l'UQTR. Et la formule de l'émission va rester la même parce que, voyez-vous, je n'ai pas l'intention de mettre de côté la musique variée et diversifiée. Donc, c'est toujours une émission musicale aux saveurs variées où on va entendre du folk, du rock, pop, indie, électro, alternatif et autres, que ce soit des mélanges de genres comme le twee-pop ou le suicide twee-pop même. J'ai déjà lu ça quelque part, ça m'a fait bien rire. Et donc, ça va être tous les lundis de 18h à 19h, toujours pour le plaisir de vos oreilles. Et mon nom est toujours aussi Sophie Laforêt. Et donc, en ce 7 septembre, fête du travail, j'espère que vous en profitez bien de cette belle journée ensoleillée. Avant la rentrée hein, pour les étudiants du campus, la rentrée qui va se faire ce mercredi 9 septembre. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour tout le monde et pour moi-même également. Donc, sans plus tarder, au menu de l'émission ce soir, on aura droit, entre autres, à un bloc de formation suédoise. Parce que oui, j'aime les formations suédoises. Et également un bloc de nouveautés francophones, en plus d'entendre des formations comme Wild Beast, Jacques Maure et d'autres encore. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là ce soir et sans plus tarder, on va se lancer en musique avec un bloc indie rock anglophone. Vous êtes à l'émission Chérie m'écoutes-tu sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Okay. Girls, some roading. C'était la formation Passion Pit, une formation d'indie rock électro-pop originaire du Cambridge au Massachusetts. Et la pièce qu'on a entendue, c'est la pièce Eyes as Candles de leur premier album Manners, qui est paru le 19 mai dernier. Et pour ceux qui aiment la formation MGMT, je vous dirais que c'est dans la même vague. Mais pour ma part, je crois que je vais peut-être écouter plus longtemps Patient Pit parce que les pièces sont plus diversifiées. Donc, je vous invite à découvrir ce groupe si vous avez aimé la pièce qu'on vient d'entendre. Tout juste avant, on avait la formation de post-rock anglaise Wild Beast de leur deuxième album Two Dancers. C'était la pièce All the King's Men. Et leur album, justement, ce deuxième album paraîtra demain sous l'étiquette anglaise Domino. Donc, si vous avez apprécié également, c'est un album qui s'écoute très, très bien. Moi, c'est une belle découverte. J'ai écouté ça cette semaine et je vous le conseille fortement. Et au début du bloc, c'était la formation new-yorkaise Dirty Projectors de leur album, leur dernier album Bite Orca, c'était la pièce Cannibal Resources. Et donc cet album est paru en 2009, tout juste après leur album Rise Above qui était paru en 2007. Et c'est ce qui complète ce bloc anglophone indie. Et donc on va se tourner du côté francophone avec un bloc à la fois rock et folk. Donc, on écoute ça sans plus tarder. Je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie m'écoute-tu avec Sophie Laforêt jusqu'à 19h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Qui apparaît la mélodie vegan. main se lève et déchire le ciel comme un papier peint, peint d'illusions, comme de l'humanité, le plus beau des mensonges. Plus loin que l'infini, qui vole tous les mystères à nos vies, que le temps s'arrête, ne plus avoir pour être, parce que le vide contient tout ce qu'il y a à comprendre. La voix qui croit tout savoir sur tout, tout savoir sur moi, que la folie tombe ou m'emporte à jamais au plus profond d'un volcan ou pour le plus haut sommet de glace ou de feu, la fusion des malheureux. Ah, ah. C'était Nicolas Huard avec la pièce La vérité de son deuxième album Le Vanille Noir, qui suivait son premier album du nom de Le visage dans les mains, qui était paru en 2006. Et c'est vraiment sympathique ce qu'il fait Nicolas Huard, surtout son deuxième album qui est beaucoup plus léger. Ça reste dans les textes introspectifs, mais c'est vraiment sympathique comme ça, avec du banjo et des petits hand claps en arrière. Tape dans les mains, peut-être, en français. Puis, donc, c'est ça, il est actuellement en Allemagne. C'est ce que j'ai lu sur son site Internet, le www.nicolashuard.com. Et il mentionnait sur son blog, à même son site web, qu'il est en train de travailler actuellement sur un nouveau projet qui sera peut-être pas sous le nom de Nicolas Huard, mais il va nous tenir au courant via son site Internet. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez consulter ce site, justement, pour avoir plus d'informations au sujet de Nicolas Huard avec un T. Avant, on avait le duo de Rouyn-Noranda, Geneviève et Mathieu, de leur deuxième album Rouge-Gorge, la pièce Ne pleure pas. Et qui dit Rouyn-Noranda dit FME. FME qui veut dire Festival de musique émergente. Et justement, ils en étaient à leur 7e édition qui s'est terminée hier, le 6 septembre. Donc, encore une fois, avec une très grande programmation. Vous pouvez toujours consulter le site et j'imagine qu'on aura droit à des photos et peut-être des critiques d'après-festival sur différents sites musicaux. Et donc, pour ma part, je suis assez malheureuse parce que j'ai réussi à aller une fois au FME il y a deux étés, très brièvement. Et je pense que ça vaudrait la peine quand même d'aller à Rouyn-Noranda. C'est sûr que c'est pas très accessible si on parle de quelqu'un qui vit à Trois-Rivières, donc c'est 11 heures de voiture, je crois. Mais c'est vraiment un bel événement. Je vais remettre ça peut-être à l'été prochain ou à un autre, alors on s'en reparle. Et avant, on avait la formation montréalaise avec podcast de leur deuxième album, Trois chaudières de sang, la pièce « Vas-y », comme ils mentionnent si bien dans leur chanson « Vas-y, casse tout ». Et cet album-là est paru en 2006. Leur plus récent album, « Dans la nature jusqu'au cou », est paru en 2008. Donc, c'est ce qui complète ce bloc sympathique de folk rock. Et oui, je voulais mentionner avec podcast que si vous voulez consulter leur site Internet, il y a présentement 4 dates de spectacle à Montréal et à Sherbrooke pour le mois de septembre, octobre et novembre. Et ils vont notamment participer au Pop Montréal le 2 octobre. Donc, c'est ce qui complète ce bloc. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le www.myspace.com/c'est fou chérie pour connaître la liste des artistes qui ont joué à l'émission ce soir, avoir plus d'informations également, avoir même un lien vers les MySpace respectifs des artistes. Et vous pouvez également joindre le groupe Facebook en entrant chez Rémi Coutu dans la barre de recherche pour connaître à l'avance une partie des menus des émissions à venir, en plus d'avoir peut-être parfois certains scoops sur les émissions à venir et les émissions spéciales sont annoncées également. Alors, sans plus tarder, on va se lancer pour une courte pause et au retour, on aura droit au fameux bloc suédois. Vous êtes à l'émission chez Rémi Coutu sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez! Thank you. On vient d'entendre la formation JJ avec la pièce Ecstasy de leur album JJ No. 2. Donc, ça s'écrit tout simplement avec deux J successifs. Et donc, leur premier album est paru en juillet 2009, qui est celui qu'on a entendu, leur premier album complet. Avant ça, quelques mois auparavant, en mars dernier, leur premier mini-album du nom de JJ No. 1 est paru également. C'est une formation suédoise, puisqu'il s'agissait ici d'un bloc de formation suédoise. Et donc, c'est une formation qui est très discrète. On connaît peu de choses sur cette formation. Autant sur Internet, les informations sont très limitées. Ils n'ont pas de MySpace, chose qui est plutôt rare de nos jours. Et donc, c'est ça. Leur album est très varié. On passe de l'électro-reggae à du pop, à des ambiances plus vaporeuses, comme celles qu'on vient d'entendre. Et un bon album qui a été très bien reçu par les critiques. Et c'est une formation qui vient d'apparaître tout bonnement comme ça dans le décor musical. Tout juste avant, on avait le projet musical Taken by Trees avec la pièce Watch the Waves de l'album East of Eden apparaître demain sous l'étiquette anglaise Rough Trade. Et c'est le projet solo de Victoria Bergsman, qui est la chanteuse de la formation également suédoise de Concrete, qui est une formation de twee pop assez sympathique également, si vous voulez aller jeter un œil, ou plutôt une oreille. Et c'est aussi la voix féminine qu'on entendait sur la pièce Young Folks de la formation Peter Bjorn and John, qui est également une formation suédoise. Je ne sais pas si vous replacez un peu l'air que je vais tenter de vous siffloter. Mais bon, dans le micro comme ça, c'est pas super. Mais je suis sûre que vous avez déjà entendu cette pièce-là. Sinon, je mettrai un lien sur le MySpace de l'émission afin que vous puissiez entendre cette voix. Je suis sûre que vous avez entendu la pièce. Et donc, l'album apparaît demain, East of Eden, a reçu de bonnes critiques pour l'instant. Et ça suit l'excellent premier album également que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, qui s'intitule Open Field. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à le découvrir également. Et au début du bloc, nous avions le duo composé des sœurs Clara et Johanna, maintenant âgées de 16 et 18 ans. Donc, quand ils ont commencé, elles n'avaient que 15 et 17 ans. Et c'est leur premier mini-album, en fait, le premier disque qui est paru, qui s'intitule Drunken Trees, qui est un mini-album paru en 2008. La pièce qu'on a entendue, c'est Our Own Pretty Ways. Et ils vont sortir un album complet en début 2010 qui va s'intituler Hard Believer. Et la pièce titre de ce prochain album est présentement disponible, entre autres, sur leur MySpace, qui est le www.myspace.com/thisisFirstAidKit, puisque c'est le nom de leur duo suédois. Alors, c'est ce qui complète ce bloc. On va se tourner à nouveau du côté francophone avec trois formations montréalaises. Tout d'abord avec la formation Monogrenade. Vous êtes à l'émission Chérie Mécoutu avec Sophie Laforêt jusqu'à 19h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Yeah. son s'envol. Derrière le ciel sur la toile se colle. Le froid de mes traits m'étonne. Dans le tableau, je suis là-haut. Chevauchant, hirondelle, tu chantes. Là, là. Tu as dessiné mes amis sur un tapis d'oiseaux, ils s'enchantent et tous sans cœur me je dois le chuchoter. Oui, tu vas faire de moi un handicapé. Et si un jour ma langue ne peut se délier, je persisterai à le chanter. Thank you. la formation Jacques Maure avec la pièce « Cœur saignant » de leur mini-album « Dans de lait » qui est paru en avril 2007. Et depuis, pas de nouvelles de la formation Jacques Maure. Je ne sais pas du tout s'ils sont en train de travailler sur quelque chose. Et c'est une formation composée, entre autres, du claviériste de Malajube. Et on sent certaines sonorités qui nous rappellent le son de cette formation. Et j'ai lu aujourd'hui, petite anecdote comme ça, que Jacques Maure, en fait, parce que moi, je trouve ça très étrange comme nom, c'est le personnage tiré... un personnage tiré d'un roman de Boris Vian qui est L'Arrache-cœur. Et je me souvenais pas du tout qu'il y avait un personnage qui s'appelait Jacques Maure. Alors voilà, peut-être que comme moi, vous avez allumé maintenant que c'est nommé. Et tout juste avant, on avait la formation Un Quatuor montréalais, Mille Monarques, qui est une formation d'indie rock, qui s'est fait remarquer aux Francouvertes 2008. Et à partir de ce moment-là, leur lancé les a menés jusqu'à un album qui est sorti tout récemment, qui est leur album éponyme. Et la pièce qu'on a entendue s'appelle « Réflexion respiratoire sous apesanteur » et entre parenthèses « Miroir ». Je sais pas pourquoi. Puis c'est la pièce qui m'a semblé la plus complète musicalement. Donc, une pièce de 5 minutes 30 où on entend, là, en fait, tout le talent musical que ce quatuor possède. Et c'est un excellent album. C'est pas la pièce la plus rock nécessairement qu'on a entendue. Puis il y a une ou deux pièces, je crois juste une, la pièce qui s'appelle Rouge, qui est chantée également par Annie, qui est la claviériste du groupe. Mais de façon générale, c'est le garçon chanteur qui chante, mais je ne sais pas son nom. Et avant, on avait encore une fois un quatuor montréalais, Mono Grenade, qui est né en 2008, qui est une formation d'électropop, électroacoustique même parfois, avec la pièce « Ce soir » de leur mini-album « La saveur des fruits », qui est paru cet été, en juin, sous l'étiquette « Paper Bag Records ». Et c'est une bonne formation aussi. J'ai pas écouté l'album à plusieurs reprises, mais à la première écoute, j'ai bien aimé ce que j'ai entendu. Et donc voilà, si vous avez aimé, encore une fois, pourquoi pas le faire par vous-même, cette écoute, la faire par vous-même, cette écoute. Et donc l'émission va se terminer sur ce, 19h tapant. Et je vous remercie d'avoir été à l'écoute de la première émission, édition de l'édition 2009-2010 de Chéri M'écoutes-tu. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez consulter le profil MySpace de l'émission, soit le www.myspace.com/cestfouchéri pour connaître la liste des pièces qui ont joué à l'émission de ce soir ou lors d'émissions antérieures. Et la semaine prochaine, on aura droit encore à plusieurs nouveautés, notamment une pièce d'une toute nouvelle formation montréalaise du nom d'Onomatops, qui fait dans l'électro-folk avec un son très rafraîchissant. Donc, on va avoir la chance d'entendre ça lundi prochain de 18h à 19h. Et on va se laisser avec une toute dernière pièce. On se gâte ce soir. Je dépasserai un peu le temps de l'émission, puisque l'émission Le Voyage insolite avec Frédéric Durand sera de retour seulement lundi prochain. Alors, c'est pour ça là, que je me gâte. Et on va entendre une pièce de la formation franco-finlandaise de Do. Et la pièce qu'on va entendre, je vais essayer de bien le prononcer, c'est « Unusasi Lolelet ». Alors, vous allez voir, elle le prononce à plusieurs reprises dans la chanson. Vous pourrez voir si je l'ai bien prononcé. Et c'est une pièce tirée de leur seul et unique album du nom de « Mouth Full » paru en 2008. Et ils seront de la programmation de Pop Montréal en octobre également. Donc, vous pouvez consulter leur MySpace pour connaître l'endroit où ils joueront, si vous aimez. Et donc, c'est Sophie Laforêt qui vous souhaite une excellente fin de soirée sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Chéri M'écoutes-tu, lundi à 18h. Bonne soirée! sun is silent.